l'amour. De nuit comme de jour, l'amour. Dans la chambre ou dans le séjour, ton corps entre en liesse dès la première caresse. Fille ou garçon, peu importe, si le plaisir est à la porte. Quand en toi vient le désir, tu ne penses qu'à la sourire. Quand en toi vient le désir, sans délai tu vas chercher à encore faire l'amour. De nuit comme de jour, l'amour. Dans la chambre ou dans le séjour, tu exiges tout, tu vas toujours jusqu'au bout, et tu ne refuses rien, tu aimes explorer tous les chemins. Quand en toi vient le désir, tu ne penses qu'à la sauver. Quand en toi vient le désir, sans délai tu vas chercher à encore faire l'amour. De nuit comme de jour, l'amour. Dans la chambre ou dans le séjour, maîtresse ou soumise, tu réserves bien des surprises. Et quand tout est terminé, il t'arrive même d'embrasser. Quand en toi vient le désir, tu ne penses qu'à la sourire. Quand en toi vient le désir, sans plus attendre, tu vas chercher à encore faire l'amour.